Vous écoutez Futur Simple sur CKRL 89.1 et nous ouvrons l'émission sur le thème de la pollution liée au transport. On le sait, les transports routiers sont une source majeure de pollution à cause de la combustion de l'essence. Mais la fabrication des véhicules est aussi à l'origine d'une quantité considérable d'émissions de CO2 que l'on ne voit pas ou qu'on ignore. Alors concrètement, combien de CO2 émettons-nous quand nous achetons ou nous conduisons une voiture? La réponse avec Marie-France Sottil. Bonjour Marie-France. Bonjour François. Alors Marie-France, bonne année Marie-France. Pareillement. Alors Marie-France, avant d'en venir au CO2, on devrait regarder plus largement les effets locaux et globaux, directs et indirects, du transport routier sur l'environnement. Oui, en fait, on pourrait consacrer toute une émission juste à un de ces aspects-là. Tout à fait, c'est, oui. C'est très vaste, alors je vais être très rapide, résumé. D'abord, les effets indirects, parce que c'est plus court. Il s'agit des infrastructures routières, c'est-à-dire les routes, les ponts, les viaducs, les tunnels, les fossés de drainage et le stationnement. Ces éléments nécessitent de l'énergie et des matières premières pour les construire, bien sûr, mais aussi pour les maintenir en place et pour les remplacer quand ils ont fini leur vie utile. En plus, ils demandent de l'énergie et des matières premières. Ils demandent aussi qu'on prélève de l'espace qui serait nécessairement consacré à la nature autrement, ils créent des barrières écologiques, ils modifient l'hydrologie par le ruissellement. Il dégrade les sols et les cours d'eau par le sel de déglaçage et par les dépôts à neige. Ensuite, les routes contribuent aux îlots de chaleur. Ça, vous connaissez peut-être les effets pour la santé. Et l'étalement des banlieues, c'est-à-dire la perte de milieux naturels, comme je l'ai dit tantôt. OK. Alors ça, c'était les effets indirects. Alors, quels sont les effets directs maintenant? Bon, alors on pense tout de suite que... D'abord, l'utilisation des véhicules produit de la pollution atmosphérique. Cette pollution-là cause des maladies et des morts prématurées. On appelle ça la mortalité et la morbidité. Okay. Les collisions provoquent bien sûr des blessures et des décès directs pour les animaux et les humains. D'ailleurs, j'ai une petite statistique pour le Québec en 2013. Alors, 400 morts sur les routes, on parle d'humains bien sûr, et près de 38 000 blessés. Okay. C'est quand même énorme là, pour le nombre de blessés. Ça fait réfléchir, oui. En plus des effets néfastes lors de l'utilisation des voitures, il faut compter les effets liés à la fabrication, à la maintenance, à la destruction après leur vie utile. Donc, tout leur cycle de vie, quoi. Exactement. Et ces processus nécessitent de l'espace, des ressources, de l'énergie. En plus, quand on les met au rancor, même si on récupère parfois le métal et les pneus, certaines composantes toxiques mettent en péril l'air, le sol et l'eau, comme la batterie, l'huile, les liquides de frein, de refroidissement, le fréon pour la climatisation. Et les impacts environnementaux des véhicules routiers incluent des choses un peu plus diffuses comme le bruit, la pollution lumineuse, la pollution de l'air qui crée du smog et qui acidifie les précipitations. On connaît l'impact sur les lacs. Mais ce dont je voudrais surtout vous parler aujourd'hui, c'est l'effet du transport sur le climat, c'est-à-dire les quantités de CO2 émises par les véhicules routiers. Bon, alors parlons-en. Quelle est la contribution en gaz à effet de serre du transport dans le monde? Ben, par le carburant seulement, le transport routier est aujourd'hui la principale cause du changement climatique, avec 27 % du forçage radiatif. Okay. La deuxième cause, c'est le chauffage domestique, avec 18 %. Donc, même le deuxième est loin derrière. C'est très préoccupant. Et pour le Québec en particulier, étant donné que le chauffage domestique est assuré par l'hydroélectricité, ben ça fait que la contribution relative du transport routier est encore plus grande. Ah ben oui. Donc, c'est vraiment là où il faut s'attaquer ici si on veut diminuer l'effet de serre. En 92, c'est-à-dire le dernier inventaire publié par le ministère de l'Environnement... En 92 ou en 2012? Pardon, en 2012. 2012, pardon. 44 % des émissions de GES provenaient du transport au Québec, soit 4,3 tonnes par habitant. On inclut dans cette catégorie le transport sur les routes, le transport aérien, le transport maritime, ferroviaire, puis hors route, comme, disons, les motoneiges, les quatre roues. Mais on exclut le transport international, c'est-à-dire quand on prend l'avion pour aller passer 2 semaines au chaud en Floride. Ça, ça c'est comptabilisé ailleurs. Mais l'avion à l'intérieur du pays, c'est comptabilisé. Exact. D'accord. Le transport interne. Mais le plus inquiétant, c'est que ces émissions routières sont en croissance. Entre 1990 et 2012, le secteur des transports a connu une hausse de 32,4%. Pendant ce temps, les industries diminuaient leurs émissions de 21%. Uh-huh. Alors, il faut arrêter de pelleter ça dans leur cours. C'est un fait. Ils font leurs efforts. Ils ont fait leur part. Alors, à lui seul, le transport routier, qui comprend les motos, les autos, les camions, on a rejeté 27,3 millions de tonnes d'équivalent CO2 dans l'atmosphère en 2012, soit près de 80% des émissions provenant de l'ensemble des transports. Donc, autrement dit, les voitures et les camions sont les principaux responsables de la hausse des émissions observées dans le transport depuis 20 ans. Est-ce que c'est ça qu'on peut dire? Exactement. Alors, les camions légers et lourds sont beaucoup plus nombreux qu'avant. Ça, ah c'est bon? Une explication. Okay. Entre autres, à cause de l'accord de libre-échange qui a été conclu dans les années 90, qui a augmenté énormément le trafic right in time, qu'on appelle. Oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire pour limiter les délais que causait le transport ferroviaire. Mais il ne veut pas, effectivement, ça augmente le camionnage, ça. Exactement. Alors, depuis cette époque, 31% de plus de camions lourds sur nos routes. Oh. Et ça dégrade aussi les routes, ça, c'est un autre effet, là, uh-huh. qui ferait l'objet d'une autre chronique. Mais c'est surtout l'engouement pour les camionnettes, les VUS, là, oui. les véhicules utilitaires sport, puis les fourgonnettes. Depuis 90, leur nombre a augmenté de 180%. Voilà. Ça n'enlève pas la contribution des automobiles, là, mais c'est vraiment là que le bas blesse. Ouais, je comprends. Pourtant, les voitures actuelles ont une meilleure performance qu'avant sur le plan énergétique. Elles polluent moins? Bien, par véhicule... C'est effectivement le cas. Okay, ou par kilomètre, ouais. C'est ça, mais le nombre de voitures a augmenté à peu près de 20% en 20 ans. Et la puissance des moteurs augmente. Okay. Et en plus, le poids des véhicules augmente et puis le nombre d'accessoires avec lesquels ils sont équipés augmente. Ça aussi, ça ajoute à la consommation d'essence. Donc, dans l'étude du ministère de l'Environnement, le CO2 dû au transport inclut seulement le CO2 venant de la combustion du carburant? Exact. Donc, tous les chiffres jusqu'à présent, là, c'est une partie. Alors, là, il faut calculer dans le cycle de vie aussi la fabrication, la maintenance et le démantèlement après. Et la fabrication d'une auto, son entretien puis son démantèlement, est-ce que ça génère aussi des émissions de CO2, ça? Bien, c'est la question à laquelle je voulais répondre quand je me suis attaquée à ce sujet-là. Je disais, est-ce que c'est vraiment une part importante là, par rapport à faire rouler la voiture? OK. Alors, qu'est-ce qu'il y en est? Il faut considérer d'abord le minerai pour fabriquer la carrosserie. C'est fait. Donc, ça part de là. Exact. Et pour faire les vitres, ça prend du sable. Et puis pour... qu'il faut fondre, c'est ça. Pour faire certaines composantes électroniques, il faut des métaux rares ou précieux. On pense à l'argent, le palladium, le cuivre, l'indium. Ensuite, il faut du caoutchouc pour les pneus. Et puis, il faut du pétrole pour les composantes en plastique. Alors, la transformation de ces matières premières compte pour le tiers à peu près de l'énergie nécessaire à la fabrication. Ensuite, les composantes comme la peinture, les banquettes, le tapis, c'est un petit 3% de l'énergie nécessaire. Le transport de ces matières-là vers l'usine, et puis ces matières viennent de partout dans le monde, on s'en doute, ça compte pour 10% du bilan de l'énergie consommée. Et, en fin de compte, il reste d'assembler ces morceaux-là. Il y a besoin d'outils et de machines ou de robots. Ça, c'est un autre 5%. Puis, le transport des automobiles montés jusqu'au lieu de vente. Ça, c'est un autre 10% au moins. Ça dépend d'où est-ce qu'elles sont formées. Alors, en somme, combien ça fait tous ces pourcentages-là? Bien... ça dépend de la voiture. Ça dépend de ce qu'on met dessus et puis de sa grosseur, etc. Alors concrètement, cette énergie nécessaire à la fabrication d'une auto correspond à combien de gaz à effet de serre? Bon, prenons un exemple. Okay. qui est un peu dans le plus extrême des cas, c'est la Land Rover. OK. Alors, ça, pour la fabrication, c'est 35 tonnes d'équivalent CO2. OK. Ça m'apparaît beaucoup, là. Oui. À l'autre bout du spectre, une petite voiture comme une Nissan Micra, une Hyundai Accent, une Ford Fiesta ou une Smart, c'est 5 à 10 tonnes équivalent de CO2 lors de la construction. OK. Donc, au moins... Plus que le double. Oui. Trois fois, quatre fois moins. Mais... Exactement. Alors, plus le véhicule est puissant, lourd, équipé, plus sa fabrication implique des GES. C'est facile à comprendre. Puis, la règle du pouce, là, si vous voulez estimer combien votre véhicule a consommé de CO2 lors de sa fabrication, c'est pour chaque 1000 $ d'achat à l'état neuf, on produit 500 kg d'équivalent CO2. OK. Alors, par exemple, une voiture moyenne, on parle toujours de voiture à essence, là, c'est 30 000 $ à peu près à l'achat. Là. Je ne suis plus tellement au courant, là. Je suis hors marché depuis 20 ans. Mais ça correspondrait à 15 tonnes équivalent de CO2 avant même d'avoir roulé avec. Rien que la fabrication. Là. Exactement. Alors, si on fait durer une voiture à peu près 200 000 km, ça veut dire qu'elle aura produit autant de GES durant sa fabrication que durant son utilisation. C'est quand même incroyable. Oui. Par conséquent, il est plus avantageux pour l'environnement de garder sa voiture neuve aussi longtemps que possible que d'en racheter une neuve. En fait, même si cette dernière est plus économique en carburant, est-ce qu'on pourrait penser comme ça? Effectivement. Et puis, je rajoute, je vais plus loin. Si vous devez acheter une voiture, en la choisissant usagée, vous réduisez le nombre de voitures à produire, donc vous limitez les émissions de GES. Mais pour réduire vraiment la production de voitures neuves, l'autopartage est la plus écologique des solutions. L'autopartage, je pense à Communauto. Mm-hmm. Une seule voiture, dans ce cas-là, peut accommoder des dizaines de personnes. Ça en fait autant de moins sur la route. Et puis même pour ceux qui ne peuvent pas se passer d'une voiture, ça fait moins de circulation. Tout à fait. Pour les véhicules diesel, hybrides ou électriques, sont-ils plus écologiques si on considère leur fabrication? Bien, c'est entendu que quand ils roulent, ils produisent beaucoup moins, là, mais la fabrication d'un véhicule hybride ou diesel, c'est à peu près 150 grammes équivalent CO2 par kilomètre. Uh-huh. À essence, pour comparer, c'est 200 à 400 grammes par kilomètre. OK. Mais si on prend un véhicule diesel, c'est sûr qu'il produit moins, mais il fait plus de polluants d'origine qui est à l'origine du smog, là, par exemple les oxydes d'azote ou les particules fines. Les particules fines, oui. C'est un mal pour un bien. Je laisse juger qu'est-ce qui est pire. Et pour les voitures électriques, on dit que c'est à peu près 100 grammes équivalent CO2 par kilomètre. Okay. Donc, vous vous rappelez que pour une voiture moyenne, c'est double ou triple. C'est ça. Alors, le défaut de la voiture électrique, c'est sa batterie. Quand on la met au rebut, elle contient des métaux lourds. Ça les génère des matières dangereuses. Exactement. Hein? C'est toxique pour l'eau, pour le sol, etc. En plus, si vous êtes dans un pays où c'est pas l'hydroélectricité qui produit l'énergie à mettre dans le véhicule électrique, ben, y a aucun avantage environnemental à rouler dans une voiture électrique. Autrement dit, vous utilisez du pétrole pour faire de l'électricité qui est reconvertie en mouvement, là, ça donne rien. D'accord. Alors, très rapidement, Marie-France, donc on se méfie des publicités qui annoncent des véhicules verts ou éco-énergétiques? Ah oui, ces termes-là, là, éco-énergétique, ça veut rien dire, en fait. Bon, véhicule. Les chiffres présentés dans ces publicités-là, ils considèrent seulement la quantité de carburant pour rouler. Alors, Et non pour la fabrication. Non. Et puis, une petite parenthèse, c'est un rapport qui date, là, mais en 2009, on disait que c'était la Mercedes qui était la plus écologique de toutes les voitures parce qu'elle durait très longtemps. Et tout le monde peut s'en permettre une, évidemment. C'est le défaut. En fait, il y a quelqu'un qui m'a dit, je ne suis pas assez pauvre pour acheter cheap. Alors, merci beaucoup, Marie-France, pour toutes ces explications et ces précisions. Espérons que certains automobilistes en tiendront compte lors de l'achat d'un prochain véhicule. Alors, on part en musique sur CKRL au 89.1 et au retour, on vous parle des découvertes archéologiques attendues en 2016.